السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، nous continuons inshallah les leçons importantes pour l'ensemble de la communauté du Cheikh Ibn Baz. Et nous arrivons aujourd'hui à la 11e leçon qui concerne les actes annulatifs de la prière. Et c'est là la dernière leçon parmi les leçons relatives à la prière. Nous avons abordé les conditions de la prière, les piliers de la prière, les obligations de la prière, les actes et paroles recommandés dans la prière. Et aujourd'hui, donc, nous voyons les actes annulatifs de la prière. Mubtilatus salah. Le Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit, les actes annulatifs de la prière sont au nombre de 8. Parler volontairement, étant conscient et au courant du caractère illicite de cet acte. Quant à celui qui a oublié ou l'ignorant, leur prière n'est pas annulée pour autant. Le deuxième, c'est le fait de rire. Le troisième, manger. Quatrième, boire. Le cinquième, le dévoilement des parties intimes. Sixième, dévier. Le fait de beaucoup dévier de la direction de la Qibla. Septième, s'agiter démesurément et continuellement en prière. Et huitième, perdre sa pureté rituelle. Donc ici, on a vu, dans la parole du Cheikh Ibn Baz, huit actes annulatifs parmi les annulatifs de la prière. Et pour expliquer cette leçon-là et ces actes annulatifs, on va aborder un certain nombre de points qui correspondront chacun à un ou deux annulatifs. Le premier, donc, ça concerne... Le premier annulatif, à savoir parler volontairement. Et ici, je vais me contenter de lire le commentaire que je vous ai cité à plusieurs reprises et qui est traduit donc, celui du Cheikh Al-Faiz, préfacé par le Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, et peut-être d'apporter quelques précisions. Étant donné que on a vu déjà ce sujet-là, en grande partie dans les conditions de la salat. Les conditions de la prière. Et que certains de ces actes annulatifs, ils sont donc à l'opposé du fait de remplir certaines de ces conditions. Et on avait relativement développé ces points-là auparavant. Donc on se contentera de faire référence à ce qui a précédé. Donc le commentateur a dit, parler volontairement, étant conscient et au courant, c'est-à-dire du caractère illicite de cet acte et du fait que ça annule. La prière. Quant à celui qui a oublié et à l'ignorant, leur prière n'est pas annulée pour autant. Ceci découle de ce qui a été rapporté de Zayd ibn al-Arqam, qui a dit, on nous ordonna de nous taire durant la prière, et parler nous fut interdit. Cette anecdote qui a été rapportée donc par le commentateur de Zayd ibn Arqam, elle a été rapportée par Al-Bukhari et Muslim. Et dedans, Zayd, radiallahu anhu, racontait qu'auparavant, il arrivait que certains, parmi les compagnons, radiallahu anhum, lorsqu'ils étaient en prière, ça arrivait qu'ils conversent avec ceux qui étaient à côté d'eux, ou qui leur adressent des paroles, jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala ait révélé sa parole. Wa qumu lillahi qanitin. Et tenez-vous debout devant Allah avec humilité. Et tenez-vous debout devant Allah avec humilité. Et c'est alors qu'il a dit la parole qu'a rapportée ici le commentateur, on nous ordonna de nous taire durant la prière et parler nous fut interdit. Le shirk donc a exempté celui qui oublie, de même qu'il a exempté l'ignorant. Il a exempté celui qui oublie du fait des textes généraux qui font état du fait que celui qui commet quelque chose par oubli ou qui ne fait pas quelque chose par oubli, il n'est pas sujet au blâme. Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana » Ô Allah, ô notre Seigneur, ne nous tiens pas rigueur si nous oublions ou commettons une faute. Et Allah subhanahu wa ta'ala a exaucé l'invocation des croyants qu'il a relaté et qu'il a rapporté dans, et de laquelle il a fait mention dans ce verset. Quant au fait que celui qui parle par ignorance ne voit pas sa prière annulée, c'est quelque chose qui est appuyé par le hadith rapporté par l'imam Muslim dans ce recueil authentique. C'est le hadith donc de Muawiyah qui était en prière et qui parla dans la prière. À la fin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: il ne convient d'introduire dans cette prière aucune parole d'homme. Elle n'est que proclamation de la pureté d'Allah et de sa gloire, de sa grandeur et récitation du Coran. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith, il a orienté Muawiyah vers le fait de ne pas recommencer cette chose-là, à savoir le fait de parler pendant la prière. Mais il ne lui a pas demandé de recommencer cette prière-là. Ce qui prouve donc que du fait qu'il a parlé en ignorant le caractère interdit du fait de parler en prière, ça n'a pas annulé sa prière. On en tire donc comme enseignement que la personne qui viendrait à parler pendant sa prière, bien que le fait de parler pendant la prière est un annulatif de la prière, s'il le fait parce qu'il est ignorant de cela, alors sa prière ne sera pas invalidée. Le deuxième acte annulatif qu'a cité le shir, rahimahullah, c'est le fait de rire. Et le commentateur a dit, Ibn al-Munzir fait partie des savants spécialiste de l'ijma, du consensus. Et tu trouveras donc qu'il fait partie des savants dont il est fait souvent référence en matière de consensus. Le consensus, l'avis unanime, l'accord unanime des ulama. Et que tu trouveras donc les ulama qui mentionnent Ibn al-Munzir en disant Ibn al-Munzir a dit que les savants étaient unanimes sur telle ou telle question. Et d'ailleurs, il y a un livre qui s'appelle « Al-Ijma', le consensus ». Il a dit « Les savants sont unanimes sur le fait que rire annule la prière. » Les savants sont unanimes, les ulama sont unanimes sur le fait que rire annule la prière. Ça, donc, ça concerne le rire. Quant au fait de sourire, Ibn Qudama a dit dans son livre Al-Mughni, il a dit, la plupart des gens de science sont d'avis que le sourire n'annule pas la prière. Donc rire annule la prière, selon l'avis unanime, al-ijma', le consensus des ulama, sans qu'il n'y ait aucune divergence à ce sujet. Quant au sourire, au simple sourire qui est donc en dessous le rire, la plupart des gens de science sont d'avis que ça n'annule pas, que ça n'annule pas la prière tant que ça n'arrive pas au stade de rire. Le troisième annulatif et le quatrième, donc manger et boire. Le troisième c'est manger et le quatrième c'est boire. Toujours Ibn al-Mundhir, donc le commentateur qui rapporte d'Ibn al-Mundhir, qu'il a dit, tous les ulama que nous connaissons sont unanimes sur le fait que quiconque mange ou boit durant une prière se doit de recommencer la prière. Naam. Ici donc c'est la traduction. Et le frère traducteur, hafidhahullah, qu'Allah le préserve et le récompense, il a omis de mentionner intentionnellement, volontairement, amdan, ce que tu trouves dans la parole d'Ibn al-Mundhir, et également dans la parole du commentateur qui a rapporté donc la parole d'Ibn al-Mundhir, dans lequel donc il est fait mention du fait que c'est volontaire. Donc, nous dirons, Ibn al-Mundhir a dit, tous les savants, tous les ulama que nous connaissons sont unanimes sur le fait que quiconque mange ou boit volontairement durant une prière se doit de recommencer la prière. Et est exemptée de cela une personne qui viendrait à avaler quelque chose de léger, comme des résidus de nourriture. Par exemple, il vient de manger, il n'a pas fait attention, il lui reste des résidus de nourriture dans la bouche. Naam, quelque chose de léger. Par exemple, pendant Ramadan, c'est l'heure de l'Maghreb, donc c'est l'heure de la rupture, la personne elle mange quelques dattes, et il lui reste un morceau de dattes dans la bouche, il n'a pas fait attention, et pendant la prière, il est en prière et il l'avale. Ça n'invalide pas la prière, ça c'est exempté. C'est exempté de ce consensus. C'est exempté de ce consensus. Également les résidus, quelqu'un qui viendrait avoir encore un peu de nourriture entre les dents et qui l'avalerait pendant la prière, du fait que c'est quelque chose de difficile à éviter, c'est quelque chose qui est exempté de l'interdiction et du fait que ça invalide la prière. Taïb, le cinquième annulatif, c'était le dévoilement. Le dévoilement des parties intimes. Et on avait dit que le fait de traduire aura par partie intime, ça pouvait prêter à confusion étant donné que la aura, c'est plus large que ce qu'on appelle en français les parties intimes. Al-Muhim ici, donc le commentateur a dit, le dévoilement des parties intimes, en effet couvrir ces parties intimes est une des conditions de validité de la prière. Or, si la condition n'est pas remplie, l'objet de la condition, qui est ici la prière, devient invalide. Donc, ici, j'attire à nouveau votre attention vers ce vers quoi je l'avais attiré lorsqu'on avait parlé de la condition de la prière, qui est le fait de couvrir la aura. Premièrement, donc, traduire aura par partie intime, ce n'est pas très précis, et on peut concéder donc au traducteur la difficulté de traduire ce terme-là. Naam. Premièrement, aura, donc c'est pas évident à traduire. Et la aura, c'est plus large que ce qu'on appelle en français les parties intimes. Les parties intimes, donc c'est le sexe et le derrière. Naam. Alors que la aura, donc concernant en l'occurrence ici les hommes, c'est à partir du nombril jusqu'au genou. Ça, c'est un premier point. Le second point, c'est à la base le fait de parler de couvrir la aura pendant la prière. Étant donné que, comme le dit Cheikh Ibn al-Uthaymin dans Sharh al-Mumti', ce qui a été cité dans les textes, c'est le fait de se couvrir de la parure. D'ailleurs, le verset qui est souvent cité comme preuve de l'obligation de se couvrir pendant la prière, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, « Ya bani Adam, khudhu zinatakum, inda kulli masjid, ô enfant d'Adam, vêtissez-vous de votre parure lors de chaque prière. » Lors de chaque prière. Donc ici, le terme qui est, l'expression qui est utilisée, c'est « akhdhu az-zina ». Le fait de se vêtir de la parure. Et tu vois que c'est, ça te sort de beaucoup de problèmes. Par exemple, pendant en temps normal, l'homme, pour prendre le cas de l'homme, il est tenu de couvrir au minimum, à partir de son nombril jusqu'à ses genoux. C'est ça sa aura. Par contre, pendant la prière, il a été rapporté de manière authentique qu'il doit également couvrir ses épaules. Et ça rentre dans Arduzina, dans le fait de se vêtir de la parure. Donc le plus précis ici serait de dire que parmi les conditions de la prière donc, qu'on avait citées, donc c'était Arduz Azina. Ardu Azina. Donc ça c'était pour revenir sur cette chose-là, car c'est une précision qui est importante. Wallahu a'lam. Ici, donc, le dévoilement des parties intimes. Le dévoilement des parties intimes, donc, nous dirons qu'en vérité, donc, c'est le dévoilement de ce qu'il t'est demandé de cacher pendant la prière, à savoir la aura. C'est-à-dire que même si tu restes, tes parties intimes restent couvertes, na'am, si par exemple tu te découvres la cuisse, alors à ce moment-là, ta prière sera invalidée. Ceci nous amène à revoir ensemble également les différents cas de figure que nous avions mentionnés dans le cours sur les conditions de la prière. Et on avait dit que concernant le dévoilement de ce qu'il est demandé de cacher, de dissimuler pendant la prière, il y a 4 cas de figure. Le premier cas de figure, c'est lorsque ce dévoilement-là est léger et involontaire. Il est léger et involontaire. Et on avait vu que, qui c'est qui s'en rappelle? Léger et involontaire. Que la prière reste valide. Non. Ensuite, on avait vu prononcer. Non, excusez-moi, on avait vu volontaire, qu'il soit prononcé ou léger. Ça, c'était le deuxième cas de figure. Qu'il soit prononcé ou léger. Et on avait vu, concernant ce cas de figure-là, que la prière est invalide, étant donné que c'est volontaire. Étant donné que cette fois-ci, c'est volontaire. Troisième cas de figure, le fait que ça soit prononcé. Le dévoilement soit prononcé, il n'est pas léger, l'inverse de léger. Il soit prononcé, na'am, involontaire et de courte durée. Prononcé, involontaire et de courte durée. Et on avait vu, c'est-à-dire que la personne, ce qui lui est demandé de couvrir pendant la prière se découvre et de suite, elle le recouvre. Donc ça sera de courte durée. Donc nous dirons, Ismaïl, que ça reste valide. Sa prière, elle reste valide. Pourquoi? Parce que même si c'est prononcé, na'am, même si c'est prononcé, ça a été involontaire et ça a été de courte durée, la personne s'est de suite rattrapée. Taïb, quatrième et dernier cas de figure, prononcé, le dévoilement est prononcé, donc il n'est pas léger. Il reste involontaire, puisqu'on a dit que de toute manière, si c'était volontaire, que ce soit prononcé ou pas, ça invalide la prière. Mais cette fois-ci, ça s'étale dans la durée. Et on avait dit que cette fois-ci, la prière est invalide. Cette fois-ci, la prière est invalide. Donc on avait vu 4 cas de figure. On vient de les réviser ensemble. Et je vous renvoie donc au cours sur les conditions de la prière. Sixième acte annulatif, le Cheikh Ibn Baz a dit l'inhiraf al-kathir an jihati al-qibla, le fait de dévier énormément de la direction de la qibla. Donc encore ici, je dirais plutôt énormément que complètement. Parce que si tu dis complètement, ça pourrait mettre le doute, à savoir que ne serait concerné par cela que la personne qui se serait complètement, dans le sens où, au lieu de se diriger vers la qibla, donc qui est là, elle se dirige complètement à l'opposé. Elle se retourne à 180 degrés, na'am, et elle se dirige vers l'opposé. Ça serait ça complètement. Sachant que cet acte annulatif est plus large, à savoir que la personne qui ne se détournerait pas complètement, mais qui malgré tout se serait détournée énormément de la direction de la qibla, elle serait également concernée par cet acte annulatif. Donc nous dirons plutôt, wallahu a'lam, dévier énormément de la direction de la qibla. Le commentateur a dit en effet, une des conditions de validité de la prière est de s'orienter en direction de la qibla, comme vu précédemment, comme nous l'avons vu précédemment. Na'am. Et nous pouvons exempter de cela deux cas de figure. Celui qui n'a pas la capacité de se diriger vers la qibla. Celui qui n'a pas la capacité de se diriger vers la qibla. Na'am. Et qui, pour une raison ou une autre, une situation de peur, ou une catastrophe naturelle, ou toute autre situation qui l'empêcherait de se diriger vers la qibla, se présente à elle. À ce moment-là, nous dirons qu'elle est exemptée de cela et que sa prière n'est pas pour autant invalide. Également le voyageur, lorsqu'il fait une prière surérogatoire. La personne qui est en voyage et qui fait une prière surérogatoire, na'am, sur sa monture, fait une prière surérogatoire sur sa monture, et sa monture, elle se dirige donc, et en se dirigeant sur sa route, elle va se détourner de la qibla. Elle va se détourner de la qibla. Également, cette personne-là sera exemptée et ne verra pas sa prière invalide. Septième acte annulatif, le fait de s'agiter démesurément et continuellement en prière. Le commentateur de dire, si les mouvements sont nombreux et continuels, la prière est invalidée. Selon le consensus des ulama, donc toujours à l'ijma, ainsi que l'a affirmé l'auteur d'Al-Kafi, qui a dit, si les mouvements sont peu nombreux, la prière n'est pas invalidée. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a porté Umama durant sa prière. Lorsqu'il se levait, il l'a porté et l'a déposé avant de se prosterner. De même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'avança et recula durant la prière de l'éclipse, salat al-kusuf. Non. On peut ajouter donc aux paroles et aux propos du commentateur Jazahullahu Khayra que cela donc dépend de trois conditions, c'est-à-dire les mouvements pendant la prière qui invalident et qui annulent la prière. Il faut qu'il y ait trois conditions qui soient réunies pour qu'ils invalident effectivement la prière. Le fait qu'ils soient démesurés. Pour ça qu'il a dit donc, s'agiter démesurément. Donc ce ne sont pas juste des petits mouvements. Ce sont des mouvements démesurés. Également, il a dit continuellement. C'est-à-dire la personne, elle fait beaucoup de mouvements de manière continuelle. De manière continuelle. C'est-à-dire ce n'est pas, par exemple, au début de la prière, elle a fait quelques mouvements, à la fin, au milieu, elle en a fait d'autres, et à la fin, elle en a fait encore d'autres, donc tu te dis, khlas, le total, ça fait trop, donc ça fait que ces mouvements annulent sa prière. Non, il y a comme condition donc, que ça soit continuel. Que ça soit continuel. Également, on peut rajouter l'absence de nécessité. L'absence de nécessité. C'est-à-dire que la personne, elle fait ça sans qu'il y ait une nécessité à le faire. Et pour résumer, et pour éclaircir ce sujet-là, nous dirons qu'en vérité, la personne, elle sort de sa prière est annulée, à partir du moment où les mouvements qu'elle fait laissent apparaître qu'elle n'est pas en état de prière. Et cette personne, tu vois, elle fait des mouvements, elle fait de tels mouvements que tu n'as pas l'impression qu'elle est en prière. Et que toute personne raisonnable ne considérerait pas cette personne-là comme étant en prière. À partir de ce moment-là, donc, nous dirons que sa prière a été annulée par ses gestes, du fait qu'il soit démesuré, continuel, et qu'il n'y ait pas eu de nécessité dans cela, et qu'au final, ils aient laissé apparaître que cette personne-là, en vérité, c'est comme si elle n'était pas en prière, bien qu'elle pense être en état de prière. Le commentateur a cité la parole de l'auteur d'Al-Kafi, Ibn Qudama, rahimahullah, qui lui-même a cité comme preuve, lorsqu'il a dit « si les mouvements sont peu nombreux, la prière n'est pas invalidée », il a cité comme preuve le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a porté Umama durant sa prière. Lorsqu'il se levait, il l'a porté et l'a déposé avant de se prosterner. Ce hadith, il a été rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ce hadith, il a été rapporté par Al-Bukhari et Muslim d'après Abu Qatada. Et il relate donc le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est arrivé de porter Umama, la fille de Zainab, durant sa prière. Lorsqu'il se levait, il l'a portée et il l'a déposée avant de se prosterner. Puis il a également cité donc le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'avança et recula durant la prière de l'éclipse. Et cela a été rapporté par Muslim d'après Jabir ibn Abdullah. Ces deux récits-là sont donc authentiques. Et on peut tirer comme enseignement de ces deux récits-là le fait qu'il n'est pas correct de limiter les mouvements qui annulent la prière à trois mouvements. Comme c'est le cas donc de certains ulama, rahimahumullah, qu'Allah leur fasse miséricorde, qui sont d'avis que les mouvements qui annulent la prière, ce sont trois mouvements qui sont faits à la suite. À partir du moment, selon eux, que tu fais trois mouvements à la suite, ta prière est invalide. Ta prière est invalide. Or, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait porté Umama durant sa prière, ça a impliqué de lui, ça a appelé de lui, ça a exigé de lui qu'il fasse plus que trois mouvements durant sa prière. Le fait de s'avancer, de se reculer durant la prière de l'éclipse. Et également ce qui a été rapporté du fait qu'il était en prière et qu'il a ouvert la porte à son épouse Aïcha radiallahu anha. Tous ces mouvements-là pendant la prière qui ont été rapportés du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'ont pas annulé sa prière, pourtant il n'y a pas de doute qu'ils étaient supérieurs au nombre de trois mouvements. Donc nous récapitulons et nous disons que pour que les mouvements dans la prière invalident la dite prière, il faut qu'ils soient démesurés, continuels, et qu'il n'y ait pas de nécessité dans cela. Et que La manière de distinguer justement les mouvements qui annulent la prière de ceux qui ne l'annulent pas, c'est de voir l'aspect apparent de la prière pendant sa, de la personne pendant sa prière. Si elle laisse l'impression qu'elle est en prière, elle est en prière. Sinon, elle est considérée comme étant sortie de sa prière par ses mouvements démesurés, continuels, et qui ne font pas suite à une nécessité. Le huitième et dernier acte qui invalide la prière, c'est le fait de perdre sa pureté rituelle. En effet, comme le dit le commentateur, la pureté rituelle est une condition de validité de la prière. Si on invalide sa pureté rituelle, on invalide donc aussi sa prière. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam le disait, Allah n'accepte pas la prière de l'un d'entre vous lorsqu'il devient en état d'impureté jusqu'à ce qu'il se purifie. Jusqu'à ce qu'il fasse ses ablutions. Donc que la personne, elle soit avant la prière, elle est concernée également, la personne qui est dans sa prière et qui perd ses ablutions est également concernée par ce hadith-là. Il est donc obligatoire d'avoir les ablutions. On avait vu que c'était une condition de la prière, également de les garder jusqu'à la fin de la prière. Et on va s'arrêter à cela pour aujourd'hui, étant donné que le prochain cours concerne les ablutions. On l'abordera la semaine prochaine, Incha'Allah ta'ala. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين